Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Et il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Islahul Umma, réformation de la communauté. Que tu sois dans l'obscurité ou la lumière, qu'il fasse jour ou nuit, ou encore que tu te trouves seul ou accompagné, Allah sait ce que tu fais et dans quel état tu te trouves. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Ceci est une grande inattention dont font preuve les gens qui les a poussés à commettre beaucoup de péchés. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Ceci doit naturellement te freiner de toucher quoi que ce soit de tes mains sans te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te surveille. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, vous serez présenté à Allah et rien de ce que vous aurez accompli dans ce bas monde comme action ne sera caché. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Donc tout ce qu'implique et exige ce nom divin, quel omniscient, Al-Alim, comme science, te pousse à être sérieux et assidu dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Sermon numéro 16, Sharhu Ismillahi Al-Alim, l'explication du nom d'Allah, l'omniscient. Il ne te reste donc plus qu'à mettre en application tout ce qu'implique et exige ce nom d'Allah Azzawajal. Nous demandons à Allah Azzawajal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre le lien parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Amma ba'd. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il prendra la terre entière d'une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est vraiment au-dessus de ce qui lui associe. Et il a aussi dit Azza wa Jalla: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذَا قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Ils n'ont pas considéré Allah comme il devrait l'être lorsqu'ils ont dit: Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dit: qui donc a fait descendre le livre avec lequel Moïse était venu comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie et pour en cacher beaucoup. Et il a également dit Azza wa Jalla: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? Ne voyez-vous donc pas comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux superposés, et comment il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe ardente? Et c'est Allah qui vous fait sortir de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir pleinement. Il est donc exposé, à travers ces versets, l'obligation de magnifier Allah Azza wa Jalla, et que celui qui ne le fait pas et qui ne considère pas Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il doit être considéré est un injuste envers sa propre personne et qu'il commet un énorme crime et un très grand péché. Il en est ainsi. Et parmi les choses qui permettent à l'homme de magnifier Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, ses rites, ainsi que tout ce qu'Allah azza wa jalla a honoré, il y a le fait de connaître les implications et les exigences des noms d'Allah sublimes et parfaits. Car celui qui aura su cela et qui aura mis en application ce savoir fera partie des gens qui entreront au paradis. Cela à cause des grandes et bonnes œuvres que cette science implique d'accomplir. Ainsi il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah possède 99 noms, 100 moins 1, et il est impair et il aime l'impair. Donc quiconque les aura appris et mis en application ce qu'ils impliquent comme science entrera au paradis. Et lorsque l'on médite sur ce récit, on s'aperçoit alors que ce qui est lié à la connaissance de ces noms est une affaire très importante, une affaire au sujet de laquelle se concurrence le doué d'intelligence et pour laquelle ont été dressés les cieux et la terre. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah distingue parfaitement celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a donc créé tout cet univers que dans le but d'éprouver les hommes afin de savoir qui parmi eux mérite d'entrer au paradis et qui mérite d'entrer en enfer. Et les paroles des savants au sujet de l'explication de ce récit tournent toutes autour du fait que cela concerne celui qui aura cerné le sens de ces noms divins et les aura su. S'ajoute à cela leur mémorisation, leur compréhension, ainsi que la mise en application de ce qu'ils impliquent comme science. Et il n'y a aucun doute que celui qui aura été dans ce cas, c'est-à-dire qui aura mis en application tout ce que ces majestueux noms impliquent et exigent, selon ses capacités, sans manquer à ses devoirs dans l'accomplissement du bien et l'écartement du mal, aura certes répondu à l'attente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce que cette connaissance implique, il y a le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla avec ses noms parfaits, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a commandé de faire dans sa parole Azza wa Jalla. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ses noms et délaissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront assurément rétribués pour ce qu'ils font. C'est-à-dire ceux qui se seront opposés à ce genre de personnes qui associent au nom d'Allah des noms qui n'ont pas été établis dans la religion. Délaissez-les et invoquez-le plutôt à l'aide de ces noms sublimes. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms. Ainsi, si tu désires quelque chose, invoque Allah subhanahu wa ta'ala par l'un de ses noms majestueux. Par exemple, si tu demandes à Allah de te pardonner, fais-le par le biais de son nom Al-Ghafur, le grand pardonneur. Aussi, si tu souhaites qu'il te fasse honneur, fais-le par le biais de ce nom Al-Aziz, le puissant. Et si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse miséricorde, demande-le lui à travers son nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Également, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde ses bienfaits, fais-le en invoquant son nom, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Et ceci est une bonne chose. Et ne l'invoque pas par un nom qui ne convient pas à la situation. De sorte que tu dises par exemple, Ya Jabbar, ô celui qui impose, Ya Muntaqim, ô celui qui déjoue les stratagèmes, pardonne-moi. Car cela ne convient pas à la situation. Car les gens de science ont plutôt compris que le sens voulu par sa parole, Fad'ouhu bihe, invoquez-le par ses noms, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par l'un de ses noms appropriés à la situation. Et quelle juste compréhension que cela. Et qu'importe le nom avec lequel tu l'invoques, cela fait partie des causes d'acceptation dans l'invocation. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui le plus beau nom. Et il en est de même pour tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala authentiquement établis dans le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont le nombre nous est inconnu. Cela en référence à la parole d'Allah azza wa jalla, Taha, ma anzana alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimma khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardhi wa ma baynahuma وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Il ne s'agit là que d'un rappel pour celui qui redoute son Seigneur, une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux bien élevés, le tout miséricordieux, qui s'est établi sur son trône. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, ainsi que ce qui se trouve entre eux, de même que ce qu'il y a sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, sache qu'il connaît certainement ce qui se dit en secret, tout comme les paroles les plus dissimulées. Allah, point de divinité à part lui, il possède les noms les plus sublimes. À lui, les noms les plus beaux, à l'extrême. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Huwallahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, lahu al-Asma' al-Husna. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement et une forme à toute chose. À lui les noms les plus sublimes, donc ces noms parfaits. Si l'être humain réfléchissait sur ce qu'ils impliquent et exigent comme science et sur ce qu'il leur est associé comme récompense phénoménale dans leur mise en application et dans leur compréhension, ils chemineraient certainement vers le paradis, car les fruits et les conséquences de cela sont grandioses. Et médite sur l'un de ces majestueux noms d'Allah Azza wa Jalla et ses répercussions sur l'âme, si celui-ci mettait en application tout ce qui en découle comme science et action. Et il s'agit du nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Alim, l'Omniscient. En effet, Al-Alim est un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Ala ya'lamu man khalaqahu wa huwa al-latiful khabir. Celui qui a créé toute chose n'est-il pas plus à même de connaître alors qu'il est le compatissant, le parfait connaisseur? Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah est omniscient. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alim. Et Allah est certes savant de toute chose. Allah Azza wa Jalla a dit, Qul inna Rabbi yaqlibu bil haqqi 'allamul ghuyub. Dis, certes mon Seigneur lance la vérité, le parfait connaisseur de l'inconnaissable. Et il a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasulin, fa innahu yasluku min bayni yadehi, wa min khalfihi rasada. Le parfait connaisseur de l'inconnaissable, il ne dévoile l'inconnaissable à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager parmi les anges qu'il fait précéder et suivre de gardien vigilant. Ainsi, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Alim, Al-Alim, Al-Allam, et toutes ces formes nominales inspirent à l'extrême science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu associes ces noms aux autres preuves textuelles religieuses tirées du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te sera alors exposé la vaste étendue de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant toutes choses. Ainsi, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. Et c'est lui qui prend vos âmes la nuit et qui sait parfaitement ce que vous avez acquis la journée, puis il vous ressuscite le jour. Reste-t-il après cela quelque chose dans l'univers dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas connaissance? Parmi tout ce qui a été créé et qui est présent et dont nul n'a connaissance hormis Allah subhanahu wa ta'ala, dont tout ce que tu acquiers et que tu palpes et dont tu as connaissance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Quel beau fruit que l'on peut ainsi tirer de la méditation sur ce qu'implique le nom d'Allah azza wa jalla, l'omniscient, l'alim. Ceci doit naturellement te freiner de toucher quoi que ce soit de tes mains sans te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te surveille. Et c'est lui qui prend vos âmes la nuit et qui sait parfaitement ce que vous avez acquis la journée. Il n'y a rien sur cette terre dont tu puisses prendre possession ou toucher ou que tu puisses faire à l'aide de l'un de tes cinq sens sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache, car il est impossible que tu te détaches de la surveillance d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et nulle feuille ne tombe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec, sans que cela ne soit consigné dans un livre explicite. Une graine ou une feuille parmi les feuilles présentes dans la nature, ou encore un arbre parmi tous les arbres, et un endroit parmi tous les endroits de la terre dont personne n'en a la connaissance absolue sauf Allah. Il n'y a ainsi aucune feuille qui ne tombe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Que dire alors au sujet de ta personne ou toi, serviteur d'Allah? Il n'y a ainsi aucun doute qu'Allah azza wa jalla a parfaitement connaissance de tous tes faits et gestes, qu'ils soient apparents ou cachés. Donc, où en es-tu de la science d'Allah te concernant? Et pourquoi essayes-tu d'en cacher? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui a créé toutes choses n'est-il pas plus à même de tout connaître alors qu'il est le compatissant, le parfait connaisseur? Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, petit ou grand, il en a parfaitement connaissance. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Certes Allah, il n'y a rien qui ne lui soit caché sur terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans le ventre de vos mères comme il le veut. Cela dans le but que tu ne cesses d'être dans son obéissance azza wa jalla, et que tu saches que tu es toujours attentivement observé. Donc ce que le nom d'Allah l'omniscient implique pour toi est le fait d'avoir la conviction qu'Allah azza wa jalla a connaissance de toutes choses, et que tu dois donc avoir peur de lui tout en ayant confiance en lui azza wa jalla. Et cela exige aussi de ta part que tu dois te contenter de ce qu'Allah azza wa jalla t'a donné comme subsistance. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Il n'y a point d'être vivant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, et il connaît son lieu de naissance et l'endroit où il mourra. Tout cela est écrit dans un livre explicite. Ainsi, si tu as pris connaissance de tout ce qu'implique le nom d'Allah, le savant, de même que le parfait connaisseur et l'omniscient, cela te rendra satisfait face au décret d'Allah azza wa jalla, et tu sauras alors qu'il ne te délaissera jamais. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, et il connaît son lieu de naissance et l'endroit où il mourra. Que tu sois dans l'obscurité ou la lumière, qu'il fasse jour ou nuit, ou encore que tu te trouves seul ou accompagné, Allah sait ce que tu fais et dans quel état tu trouves? Ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah sait parfaitement où vous séjournez et où vous vous déplacez sur terre. Que tu sois habillé ou dénudé, Allah le sait. De même, que tu sois pauvre ou riche. Il ne te reste donc plus qu'à mettre en application tout ce qu'implique et exige ce nom d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire Al-Allam, et agir en conséquence. Et sache que tu vivras alors dans le bonheur par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhum ala hina yastakhshawna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna innahu 'alimun bi dhati as-sudur. Et ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, mais même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certainement le contenu des poitrines. Il sait ce qu'il y a dans les poitrines, et ce que dissimule leur poitrine est plus enfoui que n'importe quelle autre chose qui serait cachée à l'homme. Il connaît donc ce qui est caché, et même plus encore. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastakhshawna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu 'alimun bi dhati as-sudur. Et ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, mais même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils dissimulent et ce qu'il divulgue, car il connaît certainement le contenu des poitrines. Ces versets ont été révélés sur des gens qui, lorsqu'ils faisaient leurs besoins, ils le faisaient discrètement, et qui, lorsque l'un d'eux avait des rapports avec son épouse, il était pudique, de sorte qu'ils soient totalement recouverts sous un drap ou un vêtement, quand bien même ils étaient seuls. Allah Azza wa Jalla révéla alors ce verset. Où êtes-vous donc quant à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ces noms sublimes? Car peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, Allah vous observe parfaitement. Et quant à la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne savait que peu ce que vous faisiez. Allah nous expose ainsi que cette pensée est de la mécréance. En effet, celui qui pense qu'Allah ne connaît pas la destinée d'une simple feuille parmi les feuilles, ou d'un arbre parmi les arbres, ou qu'il ne soit pas informé d'un mouvement parmi les mouvements de toutes choses, ou d'une immobilité, quel que soit son état ou sa situation, cette personne aura bel et bien mécru en Allah Azza wa Jalla, car cela est de la mécréance. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne savait que peu ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eu de votre Seigneur qui vous a ruiné, devenant ainsi le nombre des perdants. La cause de la révélation de ces versets est que les hypocrites ont eu une mauvaise pensée envers Allah Azza wa Jalla. En effet, des hommes de la tribu de Thaqif, ayant des liens avec la tribu de Quraysh, s'étaient réunis. Ou bien s'agissait-il de gens appartenant à la tribu de Quraysh qui avaient des liens avec la tribu de Thaqif? Certains parmi eux dirent ainsi: pensez-vous qu'Allah entend notre discussion? D'autres dirent: il entend certaines de nos paroles, et d'autres non. Et d'autres dirent plutôt: s'il entend certaines de nos paroles, alors cela veut dire qu'il entend tout ce que l'on dit. Et cette catégorie de gens, parmi les hypocrites, avec une forte corpulence, mais ne raisonnaient que peu, comme cela a été rapporté dans le récit d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, rapporté dans les deux recueils de récits authentiques. Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors le verset précédemment évoqué: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ. Vous ne pouvez vous cacher, jusqu'à la fin des versets. Donc personne ne peut se cacher, de sorte qu'il soit hors d'atteinte de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si tu auras pris conscience de cela, le nombre de tes péchés diminuera considérablement, et tu auras plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, exposant l'étendue de sa vaste science, englobant toute chose apparente et cachée: sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa ma huwa mustaqim bil-layli wa saribun bin-nahar. Cela ne fait aucune différence pour Allah que l'un d'entre vous tienne secrètement sa parole ou qu'il la divulgue au grand jour. Tout auprès d'Allah sont égaux. que la parole ait été dite dans la plus grande des discrétions ou qu'elle fût prononcée ouvertement, cela ne fait aucune différence auprès d'Allah. Donc où allez-vous en ce qui concerne la science d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel bénéfice scientifique grandiose l'on peut tirer de ce qu'implique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient? Alors que dire de celui qui aura mis en application la science de ce qu'exigent tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a aucun doute que celui qui aura atteint ce niveau mérite d'entrer au paradis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par miséricorde de sa part, parfaitement. Et regarde le cas des hypocrites et comment Allah les a réprimandés en raison de la mauvaise pensée qu'ils ont eue envers lui et aussi du fait qu'ils ne se sentaient pas surveillés, ainsi que de l'absence de la mise en application de ce qu'impliquent les noms d'Allah. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Espérez-vous que ces gens, c'est-à-dire les juifs, croiront avec vous alors qu'un groupe d'entre eux falsifièrent volontairement ce qui leur avait été descendu du livre, à savoir la Torah, après avoir entendu la parole d'Allah et l'avoir comprise? Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé, leur fournissant ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Mais ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Qu'il s'agisse de choses cachées ou divulguées, Allah en a parfaitement connaissance. Ce nom doit avoir de l'impact sur la confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala et sur le fait que tu t'en remettes à lui, et également concernant ta foi au destin. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim. Nul malheur n'atteint l'homme qu'avec la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur et Allah est savant de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait aussi de son serviteur ce dont l'homme lui-même n'a aucune connaissance concernant sa propre personne. En effet, il est possible que l'homme connaisse certaines choses sur lui-même, apparentes ou intérieures, mais il y a des choses dissimulées en lui dont nul n'a connaissance excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si des milliers de médecins se réunissaient afin de connaître ces choses, ils n'y arriveront pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah pointe d'imiter à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur avenir, et les gens n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Son trône s'étend au-dessus des cieux et de la terre, dont la préservation ne lui cause aucune peine, et il est le très haut, le très grand. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, que les prières d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille. Ceci étant dit, quel manque d'inattention de la part des gens concernant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ses serviteurs et aussi concernant leur surveillance. Quel manque d'inattention à propos de ce qu'impliquent ces noms grandioses que sont le savant, le parfait connaisseur, l'omniscient. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, vous serez présentés à Allah, et rien de ce que vous aurez accompli dans ce bas monde comme action ne sera caché. C'est-à-dire que les actions que l'homme aura accomplies en secret et dont il aura cru qu'elles seront dissimulées le jour de la résurrection, il est impossible qu'elles soient cachées. Cela parce qu'Allah, Azza wa Jal, a cerné toutes choses par sa vaste science. Et malgré cela, les membres du corps de l'homme témoigneront contre lui. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu de l'enfer et qu'on les poussera dedans, lorsqu'ils y seront, leurs oui, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront alors à leur peau, pourquoi vous témoignez contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est vers lui que vous serez amenés. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et médite sur ce qui est arrivé à Adnoun, le prophète Younous, Jonas, alors qu'il s'était retrouvé dans les abîmes de la mer. Mais ce dernier avait eu la certitude qu'Allah savait ce qui lui était arrivé comme terrible épreuve et dans quel état il se trouvait. Adnoun, il ذهب مغاضبا فظننا ان نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Et Danoun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis lorsqu'Allah l'éprouva, il clama dans les ténèbres, nulle divinité à part toi, gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes ainsi, et nous le sebâmes, et dissipâmes son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Quel prophète était donc Danoun, en mettant en application ce qu'impliquait comme science et acte ses magnifiques noms divins, à savoir le savant, le parfait connaisseur et l'omniscient. Et il en est de même pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Isa, c'est-à-dire Jésus. Ta'alamu ma fi nafsi, wa la a'alamu ma fi nafsik, innaka anta allamu l'ghuyub, ma qultu lahum, illa ma amartani bihi, an i'budullah, rabbi wa rabbakum, wa kuntu alayhim shahida, madum. Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, dira à Allah le jour des comptes, tu sais ce qu'il y a en moi, alors que moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi, car tu es en vérité le grand connaisseur de l'inconnaissable. Je ne leur ai dit, c'est-à-dire à son peuple, que ce que tu m'avais commandé que je leur dise, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis lorsque tu as repris mon âme, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Il en est de même pour le nom Ar-Raqib, le surveillant, qui est insemblable et un synonyme du nom d'Allah, l'omniscient, dans la mesure où Allah Azza wa Jal a parfaitement connaissance de ce que font les gens, car il les surveille et il les observe parfaitement, et il entend ce qu'ils disent et voit ce qu'ils accomplissent. Kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Puis lorsque tu as repris mon âme, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es certes témoin de toutes choses. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement informé de tout ce qu'ils font. Rien ne lui est caché, aussi petit soit l'agissement. C'est ainsi que se succèdent les arguments au sujet de ce qu'implique ce nom divin, quel omniscient. Bienheureux sera donc celui qui aura mis en application tout cela. Et aussi l'histoire des trois personnes qui étaient coincées dans la grotte. Ces derniers avaient en effet mis en application toutes ces exigences en invoquant Allah Azza wa Jal par le biais de l'action qu'ils avaient, chacun d'entre eux, accompli le plus sincèrement pour Allah. Et ils n'avaient pas eu de mauvaises pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant qu'ils n'avaient pas connaissance de la difficile situation dans laquelle ils étaient. Bien au contraire, ils avaient eu la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observait dans l'obscurité totale de cette grotte, dans laquelle il n'y avait aucun échappatoire, aucune ouverture ni fente ne laissant passer la lumière. Ils ont ainsi recherché refuge auprès d'Allah azza wa jalla, et se sont humiliés face à lui, car ils connaissaient les implications obligations et les exigences de ce nom divin. L'un d'eux dit ainsi: Allah nous délivrera de cette situation et nous fera sortir de cette grotte qu'après que nous l'ayons invoqué chacun d'entre nous par le biais de l'œuvre que nous avons accomplie le plus sincèrement pour lui. Ils se sont ainsi réfugiés auprès d'Allah par le biais de l'action la plus pieuse qu'ils avaient accomplie, et Allah Azzawajal les délivra. L'un d'eux dit, après avoir évoqué son acte: Ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous alors de cette situation. Et le deuxième de dire: si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Chacun d'eux invoqua Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son œuvre pieuse que personne n'avait su hormis Allah Azzawajal, pareillement au calvaire qui vivait à ce moment dans cette grotte. Et aussi, dans les deux recueils de récits authentiques d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette catégorie de gens, qu'Allah placera en paix sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, et parmi eux, un homme à qui une femme de haut rang et belle aura fait des avances, puis il aura repoussé en lui disant: certes, j'ai peur d'Allah. Cet homme avait ainsi agi en conséquence de ce qu'implique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, l'omniscient, à savoir qu'Allah était parfaitement informé de cette situation et qu'il le voyait. Cette science le poussa alors à s'abstenir de commettre ce grand péché qu'est la fornication, malgré la noblesse et la beauté de cette femme dont nul n'en avait connaissance excepté Allah. Et regardez, le prophète Youssef alayhi salam, c'est-à-dire Joseph, waradathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsan mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Essayait de le séduire, c'est-à-dire le prophète Youssef, elle qui l'avait reçu dans sa maison. Elle ferma ainsi les portes et lui dit: viens, je suis à toi. Youssef alayhi salam lui dit alors: qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Qu'est-ce donc qui a empêché le prophète Youssef alayhi salam d'avoir des rapports avec cette femme si belle, qui avait tout essayé pour arriver à son but, si ce n'est la mise en application de ce qu'implique ce nom d'Allah Azza wa Jalla majestueux? C'est pour cela qu'il s'est abstenu. Allah fit ainsi les éloges de son prophète Youssef alayhi salam à cause de cet agissement, de cette peur, ainsi que de ce sentiment qu'il avait eu d'être en perpétuelle surveillance. La mise en application de ce qu'engendre ce nom divin comme conséquence t'incite à adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, certes lui te voit, comme cela fut rapporté d'après l'imam muslim que l'ange Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'excellence dans l'adoration d'Allah azza wa jalla, le troisième pilier de l'islam: l'excellence dans l'adoration consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, et même si en réalité tu ne le vois pas, sache néanmoins que lui te voit. Il connaît ainsi parfaitement tous tes agissements, il te voit et t'entend, donc tout ce qu'implique et exige ce nom divin qu'est omniscient, Al-Alim, comme science, te pousse à être sérieux et assidu dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma atau wa قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ceux qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur et qui croient en ses versets et en ses signes et qui ne lui associent rien au culte qu'il lui voue et qui donnent de leurs biens et accomplissent de bonnes œuvres, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils retourneront à leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers l'accomplissement de bonnes actions et sont les premiers à les exécuter. Leur cœur ne cesse ainsi d'être pénétré par la crainte d'Allah à l'idée qu'ils retourneront à lui subhanahu wa ta'ala, car il est le savant et l'omniscient et il entend et voit parfaitement. Et d'après Aïcha radiallahu anha, qui raconte au sujet de Khawla qui était venu se plaindre de son mari auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha dit ainsi: gloire à celui dont lui a cerné toutes choses par Allah, j'étais à ce moment dans ma chambre et je n'ai pas entendu la parole de Khawla qui implorait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'Allah entendait ce qu'elle disait au-dessus des sept cieux. Allah révélant ainsi sa parole. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Allah a certes bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux, se plaignant à Allah, ô toi Mohammed. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et l'intérieur, et il est le savant de toutes choses. Il est le premier qui n'a jamais été précédé, et il est le dernier qui ne sera jamais succédé, et il est l'apparent au-dessus duquel rien ne se trouve, et il est l'intérieur en dessous duquel il n'y a rien en dehors de lui, comme tout cela fut rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari en explication au verset précédemment cité. Il en est ainsi. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah est ainsi avec son serviteur durant tous ses mouvements et son inactivité. Et ceci fait partie des implications et des exigences de ce nom divin qu'est l'omniscient. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah est omniscient. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui a créé toutes choses n'est-il pas plus à même de te connaître alors qu'il est le compatissant, le parfaitement connaisseur? Oh vous les gens, ceci est une grande inattention dont font preuve les gens qui les a poussés à commettre beaucoup de péchés, car ils n'ont pas mis en application ce qu'impliquent les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme science, et plus spécialement ce qu'exige ce nom, l'omniscient, comme bien d'autres encore. Et si quelqu'un voulait recenser et exposer tous les fruits engendrés par la connaissance des majestueux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'ils impliquent comme science, ainsi que la récompense associée à leur mise en application, cela nécessiterait la rédaction d'un livre entier. Wa nasallu Allah at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.